Bonjour mes frères et sœurs, et en ce lundi, nous allons commencer le chapitre 2 de Marc. Notre bon Père du ciel, nous nous courbons devant toi, parce que tu es le maître incontesté du monde dans lequel on vit. Tu es le Seigneur de nos vies. Et nous savons que la semaine qui est devant nous n'a rien de caché pour toi, parce que c'est toi qui l'as planifié. C'est toi qui l'as organisé afin qu'elle produise la gloire que tu veux. La gloire pour toi, pour ton Fils Jésus. Notre seul désir dans la semaine qui est devant nous, c'est qu'on va se réjouir pour ta gloire. Seigneur, nous savons que dans la semaine qui va venir, il va y avoir aussi des luttes et des combats entre ton esprit qui est en nous et la chair qui, elle, ne veut pas se soumettre à ton plan, à cet horaire, que tu as planifié pour la semaine. Mais nous te remercions, nous te glorifions que tu as promis que l'Esprit qui est en nous va vaincre la chair ultimement. Donc, on te demande que ce que nous allons étudier ce matin puisse nous aider à te donner gloire pendant la semaine qui vient. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, si je prenais 100 personnes et que je les mets en ligne et qu'ils vont se présenter devant Jésus un à un, et ces gens-là sont des malades, des aveugles, des estropiés, des paraplégiques ou des tétraplégiques ou des quadraplégiques, ou des gens avec le cancer, ou des gens qui ont une vie misérable parce qu'ils sont possédés du démon. Et qu'on leur dit, avant qu'ils se présentent devant Jésus, tu vas avoir deux choix. Soit que Jésus te guérisse, ou soit que Jésus te pardonne tes péchés de ta vie. Mais tu peux avoir juste un choix. Demande celui que tu veux, et il va te l'accorder. Combien de gens vont choisir la guérison? Et combien de gens vont demander le pardon de les péchés, même si ceci ou cela indique qu'ils vont décéder de leur maladie. C'est pourtant ce qui se passait au temps de Jésus. Des milliers et des milliers de gens, par dizaines de milliers, venaient vers Jésus avec l'intention d'être guéris. Parce qu'ils ne savaient pas que Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés. Dans leur tête, il n'y avait pas d'équation là. Jésus, guérisseur, mais Jésus qui pardonne, aucune connaissance, rien de ce côté-là. Mais dans l'histoire que nous allons lire ce matin, Jésus va utiliser ce besoin d'être guéri, ce désir d'être guéri, pour démontrer aux gens qu'il a aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Nous allons lire ensemble notre texte dans le chapitre 2 de Marc, à partir du verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? » Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » Lequel est plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Donc, les premiers mots, c'est quelques jours après ce qui s'était passé dans le chapitre 1, n'est-ce pas? Et on avait vu dans le chapitre 1 que Marc dit, voici comment tout a commencé. Ça a commencé par l'arrivée de Jean-Baptiste, qui a annoncé que le Messie arrivait. Ça a commencé par le baptême de Jésus, où on a entendu « Voici mon fils bien-aimé ». Ça a commencé par une lutte au désert avec Satan, d'où Jésus a sorti vainqueur. Ensuite, ça a commencé avec l'autorité de Jésus qui se manifestait dans son enseignement, dans le fait qu'il pouvait chasser les démons, dans le fait qu'il guérissait toutes les maladies possibles, imaginables dans son temps. Quelques jours après cela, donc tout ce qui nous est dit de ces guérisons du chapitre 1 et celle qui arrive au chapitre 2, ça va vite là, c'est très très proche, c'est juste des jours, des quelques semaines des fois qui se passent. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. Et là, on a appris qu'il était à la maison. On pense à la maison de Pierre et André. Mais aussitôt qu'ils savent, encore une fois, vous, tout le monde s'en vient là. Tout le monde s'en vient là. Tout le monde s'en vient avec un but. L'entendre et être guéri. C'est pas tout le monde qui est malade. Mais donc, il y a des gens qui viennent l'entendre parce qu'ils sont étonnés, on a vu le chapitre 1, étonnés de son enseignement. Il y en a d'autres qui viennent et ils veulent absolument pouvoir le voir et le toucher ou être touché par Jésus afin d'être guéri. Et vous allez remarquer que, comme il dit au chapitre 2, un grand nombre de personnes, une grande foule. Et j'ai fait une recherche dans Marc et le mot foule revient plus souvent dans Marc que dans les autres évangiles. Surtout si on considère qu'il y a juste 16 chapitres dans Marc. Jésus est toujours entouré de foule. Quand il est avec quelqu'un, on dirait qu'il n'y a pas de demi-mesure. Soit il est tout seul, soit il est avec ses disciples, ou c'est la foule. Et ici, il y a une grande, grande foule. Et il y a tellement de personnes qu'ils ne peuvent pas s'approcher de la maison. Jésus est dans la maison. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur annonce la parole. Vous vous souvenez au chapitre 1, on avait dit, c'est ce qui est le plus important pour Jésus, c'est d'enseigner. C'est ça qui est le plus important. C'est pas de guérir les gens qui est le plus important, c'est pas de chasser les démons. Mais chasser les démons et guérir les gens, c'est pour qu'ils comprennent l'enseignement qu'il donne. Ça va être la même chose ici encore ce matin. Donc, pendant qu'il est là et qu'il les enseigne, des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Donc, voici un homme qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas se porter lui-même, et il est porté par quatre personnes et ils viennent. Mais bien avant d'arriver à la maison, ils sont bloqués là. Ils sont bloqués par la foule. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent sur le toit de la maison. La plupart des maisons étaient avec des toits plats. Et ils sont montés sur la maison par l'escalier extérieur, comme c'était la plupart des maisons avaient. Et là, ils ont défait le toit de la maison. Pauvres propriétaires, ils ont défait le toit de la maison. Ils ont descendu le lit du paralytique devant Jésus. Et c'est là que Jésus, voyant leur foi, ils ont la foi en lui, qu'il peut guérir ce paralytique. Et lui décide qu'il va saisir l'occasion pour enseigner une vérité phénoménale. Il va montrer ici ce que j'ai appelé son pouvoir spécial. Oui, il a le pouvoir de chasser les démons. Oui, il a le pouvoir de guérir toutes les maladies. Mais il y a un pouvoir qui est beaucoup plus grand que cela. Et que la grande majorité des gens dans ce monde ne vont jamais utiliser ou bénéficier. Au verset 5, il dit à l'homme, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Remarquons bien, il ne demande pas d'être pardonné, il ne recherche pas à être pardonné, c'est pas dans sa tête, c'est pas pour ça qu'il est venu. Mais Jésus saisit l'occasion pour ce malade à ce moment-là. Je ne crois pas qu'il y avait plus de foi que les autres qui étaient venus. C'est pas la première fois que Jésus dit, voyant leur foi, il a dit ça à beaucoup de monde, ta foi t'a guéri, ta foi t'a guéri, ta foi t'a guéri. Mais ici, il se sert de l'occasion pour enseigner qu'il a un pouvoir beaucoup plus grand que de guérir les malades. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Je me suis demandé comment est-ce qu'il aurait réagi si Jésus aurait dit, maintenant tu peux aller chez vous. Prenez le lit et ramenez-le chez eux comme cela. Est-ce qu'il aurait été content? Est-ce qu'il serait réjoui de dire, « Wow, je suis bien plus content d'avoir été pardonné que d'avoir été guéri. » Mais c'est pas ça qui est arrivé. Jésus décide qu'il va utiliser ce moment, cet homme, pour montrer aux gens qu'il peut pardonner les péchés. Il dit pas ici, un de tes péchés est pardonné, mais il dit tes péchés. Donc, il dit, tous tes péchés te sont pardonnés. La réaction est instantanée. Les scribes qui sont des enseignants, qui sont des étudiants de la Bible, en ce temps-là, qui étaient seulement que l'Ancien Testament, se dire en eux, mais cet homme blasphème, il n'a pas le droit de pardonner les péchés, il a juste Dieu qui doit pardonner les péchés. Et ils ont raison. Ils ont raison. Si Jésus n'est seulement qu'un homme, il n'a pas le pouvoir de pardonner le péché, il ne peut pas, il ne devrait pas, et il blasphème s'il n'est pas plus qu'un homme. Mais il est plus qu'un homme. On l'a vu au chapitre 1. Du haut du ciel, le Père a dit, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu fait chair. Jésus, instantanément, sait qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens. Comment peut-il savoir ça? Hein? Comment peut-il savoir ça? C'est parce qu'il a la capacité de le savoir. Et là, il leur dit, pourquoi pensez-vous comme cela? Pourquoi vous pensez que je suis un blasphémateur? Qu'est-ce qui est le plus dur de dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche. Je crois que, d'une façon, c'est plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés. Parce que personne ne peut savoir si c'est vrai. Je peux bien moi me promener. Je peux bien rentrer dans une petite boîte et dans une petite cabane, puis que quelqu'un va me dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Facile à dire. Mais est-ce que c'est vrai? Comment je peux vérifier? Comment je peux savoir si la personne a le pouvoir de me pardonner les péchés? Mais de dire, lève-toi, tes péchés et marche, tout le monde peut voir si c'est vrai. Tout le monde peut voir si j'ai vraiment le pouvoir de pardonner de guérir les malades. Parce que vous allez le voir sous vos yeux, mais pardonner les péchés, ça ne se voit pas. Mais il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, qui veut dire lui, c'est pas ici le Fils de l'homme dans le sens générique, hein, mais c'est le Fils de l'homme pour lui, parce que ce terme-là, Fils de l'homme, dans l'évangile de Marc, est utilisé seulement que pour Jésus. Et Jésus, c'est lui-même qui se nomme le Fils de l'homme. Et c'est un titre messianique, un titre de quelqu'un qui vient de la part de Dieu. Afin que vous sachiez que le Messie, que le Fils de Dieu, a le pouvoir de pardonner les péchés. Il regarde l'homme et dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et instantanément, il prit son lit, se leva et marcha, et s'en alla dans sa maison avec son lit. Et il sortit de la maison en présence de tout le monde. Il y avait assez de témoins, non? Jésus dit, comme j'ai dit à cet homme, comme j'ai guéri cet homme, comme j'ai enlevé la maladie du corps de cet homme, qui est un miracle grandiose. Parce que vous savez comme moi, qu'un paralysé depuis longtemps est atrophié, et même si tu as le pouvoir de te lever, il faut que la personne ait qu'il se produise quelque chose dans son corps pour que les muscles se forment, pour ce qui l'empêche de marcher soit réparé. Instantanément, l'homme se lève et part. Et la foule réagit. Ils sont dans l'étonnement, au verset 12. Ils sont dans l'étonnement, dans l'émerveillement. Ils sont stupéfaits encore une fois. C'est pas la première fois, hein? On le voit depuis le chapitre 1. Étonnés, étonnés, étonnés, stupéfaits, étonnés. Et on va voir plus loin, très étonnés. Et glorifient Dieu d'avoir donné aux hommes un tel pouvoir. Nous avons vu. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je ne sais pas pourquoi il glorifie Dieu. Est-ce qu'il glorifie Dieu pour l'homme qui sort avec son lit? Peut-être. Mais je crois qu'on devrait glorifier Dieu beaucoup plus pour avoir donné à Jésus le pouvoir de pardonner les péchés que le pouvoir de guérir les malades. Pourquoi est-ce qu'on s'approche de Dieu? Il faut s'approcher de Dieu, surtout pour les choses spirituelles. Surtout. Parce que ceux qui vont rentrer dans sa présence, dans son royaume, ceux qui vont pouvoir devenir son peuple, ses enfants, qui vont pouvoir passer l'éternité avec lui, c'est pas ceux qui sont pas malades, mais c'est ceux. Ce sont ceux dont les péchés sont pardonnés. C'est ceux-là qui vont être dans la présence de Dieu pour le servir et l'adorer. Jésus est venu commencer ici-bas un royaume spirituel. Je crois qu'il faut s'approcher de lui avec cette même pensée. Nous sommes ici, maintenant, ceux qui sont ses enfants dans un royaume spirituel. Et nous pouvons le remercier encore une fois ce matin, qu'il nous a donné la preuve qu'il était capable de pardonner les péchés. Merci, mon Dieu, de nous avoir montré cela. Merci de nous avoir donné la preuve que tu as le pouvoir de pardonner les péchés. Ô Seigneur, nous glorifions Dieu pour le pardon des péchés que tu as accordé à tous ceux qui se repentent et qui croient en la bonne nouvelle. au nom de Jésus. Amen.